Docteur Descor. Genos Hyde. You teach people how to make voodoo dolls and stick pins in them to hurt people. That's right. I believe that hate is necessary in a controlled way just as much as love is necessary. Sortir le poignard imprégné de sang. Un rituel noir au nom de Satan. J'ai laissé le calice aux mains de mes damnés. Graver un 666 sur nos lames aiguisées. C'est la minorité qui a 3 millénaires. J'ai le sourire carnassier sous le masque mortuaire. En sortant la hachette, j'ai montré mes intentions. Partir en camionnette pour découper des hommes troncs. On dit que je prôle l'indécence quand je sors des phrases hippies. Moi j'en inverse le sens comme avec mon crucifix. Je pars pour faire un massacre comme si j'étais bûcheron. L'odeur du sang est âcre, même donne des frissons. J'ai l'esprit tordu comme la gueule de Ribéry. Pour aller droit au but, seul Satan m'a compris. La secte est réunie tout au fond du cimetière. Nous avons brandi nos armes à Lucifer. Vendredi 13, c'est toute l'année. La lune est haute et vous allez crever. Un sacrifice sur un nouveau-né. C'est l'antéchrist qui va se réincarner. Two fingers extended. This way spread apart from sort of shotgun.